Le comité préparatoire du Nord pour la conférence conjointe des partis politiques, formations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne a publié le 11 juillet un communiqué. Selon le communiqué, le comité régional japonais pour la préparation de la conférence conjointe est constitué le 8 à Tokyo. Le comité régional japonais a envoyé au nom de son président une lettre appelant d'autres formations et personnalités d'outre-mer à anticiper l'organisation des comités préparatoires régionaux et surtout à constituer le comité préparatoire d'outre-mer pour la conférence commune en question.